Thank you, ladies and gentlemen, you're far too kind. Let me tell you, let me tell you. Can I get an encore? Do you want more? Couldn't roll with the Brooklyn boy. So one last time, I need y'all to roar. So what the hell are you waiting for? One more time, one more time, one more time. Can I get an encore? New York, we here. Et plus que jamais, parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve pour ce nouvel épisode de notre podcast The Knicks Episode, volume 13, avec l'équipe habituelle. Salut Johanny. We here. Salut Juju. Salut les gars. Et avec un invité, on a le plaisir de recevoir Sébastien. Salut à toi. Salut à tous. Alors les gars, au programme aujourd'hui, bien évidemment, on va évoquer cette saison étonnante des Knicks, faire un petit bilan rapide sur ce qui s'est passé, et puis bien évidemment, mettre en avant la joie qu'on a de retrouver nos Knicks en playoff. Ça faisait un petit bout, les gars. Bien évidemment, on va faire une petite preview sur l'affrontement face aux Hawks, avoir un petit peu vos avis partagés, voir un peu quels sont les enjeux, les duels clés, enfin bon, tous les tenants et les aboutissants qui nous attendent concernant cette opposition. Et puis bien évidemment, on va commencer par donner la parole à notre invité Sébastien. Bonjour à toi. Sébastien, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter, savoir d'où est venue cette passion des Knicks et nous faire partager un petit peu ta passion? Donc moi c'est Sébastien, j'ai 37 ans, mon pseudo Choupix le Gaulois, vous pouvez le retrouver notamment sur Twitter concernant l'actualité des Knicks et des réactions sur les matchs ou sur l'actualité en général. Sur Facebook, mais ça c'est plus pour le côté collectionneur de cartes. Ah, ça aussi c'est une sacrée maladie. C'est ça, ouais, c'est une maladie qui coûte cher. Pour des petits bouts de carton, ça coûte cher parfois, effectivement. Ouais. Et plus ça, plus les prix augmentent. Donc, bref. Et puis sinon, les Knicks, New York, c'est surtout New York dans un premier temps en général, très petit, tout petit. J'avais une affection particulière pour New York, une attirance pour cette ville. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai commencé surtout à m'intéresser au basket via les magazines, que ce soit le 5 majeur ou autre. Et puis les collections de cartes, les premières collections, Fleer 94-95, quand j'étais au collège. Et puis voilà, puis après j'ai eu un poster de Doc Rivers à l'époque, quand il était au Knicks, un énorme poster au-dessus de mon lit, quoi. Et puis c'est vrai que je vais commencer à m'intéresser au Knicks. Alors, après, j'ai la particularité, c'est que mes parents ne voulaient pas prendre Canal+, donc je ne pouvais pas regarder des matchs, et Internet n'existait pas. Donc c'est vrai que je me suis fait mon avis et toute ma culture basket via les magazines que je m'achetais chaque mois, en fait. Ouais, c'était une autre époque, hein. C'était une autre époque. Aujourd'hui, on est abreuvé d'infos NBA de partout, Instagram, tout. Twitter, Facebook, n'importe quel highlight ou quoi sur YouTube ou quoi. On a un accès au basket américain qui est formidable. Et puis à l'époque, il n'y avait pas ça, quoi. Il fallait attendre le 5 majeur ou le. Il y avait un autre magazine. Mondial Basket. Mondial Basket. Avec les posters à l'intérieur énormes. Et puis il fallait attendre un mois pour après avoir les résultats, tout ça. Alors après, il y avait un petit peu de basket qui passait. À l'époque, sur France 2, que ce soit Toulouse Sport ou à Stade 2, quoi, lorsque j'avais des émissions un peu multisports. Et puis, en fait, j'ai pu commencer véritablement à m'intéresser, à vraiment suivre les matchs de basket lorsque ben, j'ai eu mon autonomie, lorsque j'ai vécu seul, j'ai quitté le cocon familial, où là, ben, j'ai pu vraiment bien m'intéresser au basket et à bien suivre, notamment ben, depuis 2010, l'arrivée du Stud. À New York, moi, j'étais assez content de toute l'équipe. Et puis après, ben, j'étais moins content quand on a tout cassé pour Melo. Ah là là. Ouais, mais moi je suis parti. J'avais écouté votre dernier podcast. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'était une erreur absolue, Melo. Enfin, on avait une équipe qui était tellement chouette que bref. On évitera de partir sur ce sujet aujourd'hui. On fera un épisode un jour peut-être sur Melo. Je ne sais pas. Et puis voilà. Et donc, les Knicks New York en 2017, j'ai eu l'occasion d'y aller. Justement, ça avait été le premier voyage de la KNF. J'avais croisé pas mal d'entre vous dans les travées du Madison Square Garden pour aller voir les Knicks jouer. Et puis voilà. C'est ma franchise. Ça vient de là. C'est New York, puis la culture basket dans les années 90. Surtout New York, je suis. Voilà, moi, c'est les Knicks en basket, les Rangers en hockey, et puis voilà quoi. T'as pas une équipe de baseball ou de foot US, non ? Y a pas une... Non, j'ai du mal à accrocher le baseball. C'est trop long, les mains. Ça dure une plombe. Ok, dédicace à Raji s'il nous écoute. Fan de. Voilà, on lui fait la bise, évidemment. fan des Yankees, bien sûr. C'est vrai que c'est assez chiant le baseball quand même à regarder. Hein. Oh là là, bah, tu vas te mettre à dos plein de monde là. Ça y est, on a perdu plein d'auditeurs. Là. Toute la communauté MLB là, c'est mort. Quoi. Bon. À jouer, c'est plus sympa qu'à regarder. Franchement, pour déjà regarder. Faut connaître les règles. Quand on voit après les règles et tout, bon, c'est vrai que par moment c'est des moments sympas, voilà. Mais c'est vrai que c'est trop peu. Des fois, il peut y avoir plusieurs temps. Ouais, c'est pas un sport ultra dynamique, on va dire. C'est pas un sport ultra dynamique. C'est des sports de séquence. Donc du coup, effectivement, pourtant, il y a beaucoup d'arrêts. Moi, je suis un gros fan de foot US, tu vois. Donc les sports de séquence, ça me dérange pas. Mais le baseball, je trouve ça quand même. Assez avec le foot US, après il y a tout le côté contact qui fait que ça, c'est aussi vachement télévisuel quoi. Mais on va revenir quand même un peu au basket parce que sinon, oui, si on fait le tour des sports US. et d'ailleurs donc Sébastien, tu nous as également fourni un beau petit article sur Elfrid Payton aussi. Que vous pouvez consulter sur notre site knicksnationfrance.com. Donc il y a d'ailleurs Joanie hein, qui nous a pondu un petit truc très sympa avec un titre évocateur. Ce qui se passe à Vegas, trois petits points. Donc non, je vous invite bien évidemment à consulter nos articles alimentés par passion. La rencontre avec Joanie, elle s'est faite via les cartes, et puis après, en discutant, la connexion s'est faite assez facilement, et puis après, un jour, il m'a dit, ça te dit d'écrire, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, ça te dit de partager, d'écrire des choses sur le blog, et puis au début, je me suis gratté la tête, et puis après, je me suis dit, bah, pourquoi pas, allez, on se lance sur un gros sujet épineux tout de suite, comme ça, c'est fait. c'est épuré. C'est ça. Et ouais. Puis, moi, je suis un grand fan des stats avancées. Je veux dire, les vidéos de Blight, moi, j'adore ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont résumées là-dedans. Et c'est vrai que, bon, quand je regarde mon premier article et ce que je suis en train de faire maintenant, voilà, il y a quand même une évolution dans l'écriture. Mais en effet, ouais, j'ai écrit sur Elfrid Payton, sur Mitchell Robinson, sur Emmanuel Quickly, donc sur Frank, le dernier article en question. Et puis, enfin voilà, effectivement, les gens connaissent peut-être plus ta plume que ta voix, donc aujourd'hui ils vont découvrir la voix avec le podcast. Mais tu as aussi fait un très gros travail sur le portrait de Alan Houston. Oui. On l'a sorti à l'occasion de son anniversaire il y a quelques temps déjà, donc on vous invite à aller regarder ça sur le blog. Hein. Effectivement, il faut prendre un peu du temps des fois pour lire les choses parce qu'on consomme beaucoup de la vidéo, on consomme du podcast, mais des fois par l'écrit, il y a des choses sympas et on a des Knicks fans et des gens autour de la communauté KNF qui sont plutôt talentueux et qui contribuent. Donc à ton image, Seb, merci pour ces contributions qu'on prend plaisir à lire. Et puis on invite d'autres membres de la communauté. Hein, si vous êtes pareil, vous sentez l'âme d'un X-fan qui a envie de poser sa plume pour raconter des choses, donner sa version des faits, son ressenti, n'hésitez pas, hein, c'est un blog qui est communautaire, hein, d'une certaine façon. Tous ceux qui sont motivés pour produire des articles, écoutez, vous êtes les bienvenus, on travaille ça ensemble, et on vous publie, et on vous cite, et c'est avec plaisir qu'on fait ces publications, quoi. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, on a une belle plume et on va avoir ta voix sur cet épisode du podcast. C'était parfait. Et là, je repense bien évidemment à l'intro de ce podcast. Le son de Jay-Z encore repris par la délicieuse voix d'Alicia Keys. Ah. Oui, encore, on a le droit à un rappel, effectivement. Nous allons passer ce printemps à revoir nos Knicks en playoff. Knicks qui est un bilan mais formidable, 41 victoires, 31 défaites. 56,9% de victoire, messieurs. Oh là là. Sur une saison courte. Sur une saison courte, quatrième spot à l'Est. C'est avec vraiment beaucoup d'émotion qu'on a suivi cette saison et surtout ce gros run à suspense en fin de saison. Et donc, du coup, déjà, dans un premier temps, les gars, je vais faire un petit tour de table pour avoir vos ressentis. Hein. Toi, par exemple, Juju, là, comment t'as vécu ce dernier... Playoff push. Forcément très très très très heureux. On en a parlé la dernière fois. Moi, à titre perso, je vous ai dit, pour moi, si on n'est pas sixième, je serais déçu. On finit quatrième. Bon, c'est fantastique. En début de saison, je le rappelle à chaque fois, mais les fameux bookmakers et les fameux observateurs connaisseurs du basket américain nous mettaient dernier à l'est ou avant dernier à l'est, et l'une des trois ou quatre plus mauvaises équipes de la ligue. Donc ça fait plaisir, c'est une petite revanche aussi pour tous les haters, et il y en a quand même pas mal quand on suit. Oh là là, ouais, ces derniers temps ils ont du mal quand même, parce que c'est difficile de trouver des arguments pour critiquer les Knicks, mais ils en trouvent toujours, hein. Ils en trouvent. C'est sympathique, tu vois, quand tu vas sur les réseaux et tout, tu regardes certains sites habitués, bon voilà, ils sont un peu plus calmes, ou ils nous passent un peu de pommade pour être polis encore. Donc ouais, c'est un gros kiff de voir tout ça. Après, ce qui est marrant aussi, c'est que tu vois tous ceux qui se raccrochent au wagon Knicks, qui sortent leur drapeau de fan. Ils n'étaient pas là les dernières saisons, donc c'est marrant. Et puis sinon, si on parle purement basket, c'est satisfaisant de voir ce groupe sympathique qu'on a suivi depuis le début de saison, qui a progressé toute la saison, qu'on a découvert avec des prémices en début de saison en disant « Ah, il y a peut-être quelque chose » et qui a rien lâché, qui maintenant est installé avec une mentalité... Avec un groupe qui s'est dégagé de 4-5 leaders, des émergences de joueurs très importants, bien sûr Julius, une très bonne saison d'RG, on en avait parlé, c'était important de voir ce qu'il allait faire cette saison, et moi je suis content de lui, son évolution au shoot, son évolution dans le jeu, des gars comme Noël qui sont très importants dans le groupe, très importants aussi sur le terrain, et ça c'est sympa, des petites pièces comme Burr, comme Bullock, tu vois, c'est pas des joueurs qui font rêver la terre entière, mais qui font une saison, et tu t'attaches à ce genre de joueurs. Thibodeau qui fait un vrai pur taf, hein, vraiment. Coach du mois de mai. Oui. Hein. Coach du mois, il sera pas coach de l'année parce que bon, il y a d'autres équipes qui ont quand même des meilleurs bilans et quoi que ce soit, mais il est dans la course. On sait pas. Ouais, je pense pas, mais c'est pas grave de toute façon, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Donc non, ouais, saison ultra satisfaisante. Saison qui... Et puis c'est surtout, j'ai regardé tous les matchs, bon, comme tous ceux qui sont ici, mais j'ai pas eu un match où je me suis vraiment fait chier. J'ai pas eu un match où je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je crois qu'il y en a eu un ou deux où je me suis dit au troisième quart-temps, bon, là, ça me saoule. Mais voilà, sinon, jusqu'au bout, tu regardes, il y a plein de matchs où sur les réseaux, les gars, au troisième quart-temps, ils sont là, on va se faire taper. Ben non, on se fait pas taper, on revient. Je pense à Memphis ou à une minute de la fin, ça pleure et personne pense qu'on va gagner. Et au final, on joue la prolongation, on gagne. Tu vois, il y a eu pas mal d'émotions alors que c'est que de la saison régulière. Et puis, c'est surtout la façon dont l'équipe joue, la façon nasty un petit peu, le côté on lâche rien, on est là tous ensemble. Et du coup, tu as envie d'être avec eux jusqu'au bout. Et les playoffs, c'est un petit bonbon sucré qui arrive et on va le croquer jusqu'au bout, quoi. Ah, t'as très bien résumé sur ta dernière phrase. Effectivement, c'est un vrai bonheur en fait de voir cette équipe déjà à ce niveau-là versus l'année dernière. On l'a assez évoqué, je pense. Mais après, surtout, moi, la satisfaction vient du fait que dans ce groupe-là, en fait, t'as pas mal de joueurs soit été cutés dans leur équipe respective, soit qui ont été balancés en G-League, qui sont passés de franchise en franchise. Et trouver cette cohésion-là à New York avec toute cette équipe de revanchards, me fait vraiment tomber amoureux de cette équipe-là parce qu'il y a beaucoup de similitudes, effectivement. Alors, de par le style de jeu, la défense au centre de tout. Et qui nous lie justement aux deux gros runs qu'ont effectué les Knicks en playoff, ça nous renvoie à 94 et 89. Et oui, j'ai vraiment une grosse tendresse sur cette équipe. Je ne sais pas si elle est vraiment calibrée pour pour faire un véritable hold-up en play-off. On se pose la question, bien évidemment, mais... Oublier, c'est déjà, arrive, déjà énorme d'y être, déjà aujourd'hui. Et voilà, et voilà. Et le hold-up en soi, c'est d'être, d'avoir l'avantage du terrain au premier. Et rappelons-nous, rappelons-nous au début de saison, rappelons-nous à la free agency, tout ce qu'on a pris dans la gueule, nos déceptions qu'on a eues, parce que je vais pas faire genre « oui Non, j'étais aussi déçu. Tu vois passer à chaque fois des signatures à gauche, à droite, tu rattrapes jamais les gros gros poissons. Donc tu t'attends pas à faire ça. Tu te dis bon, c'est notre premier podcast pré-saison, c'est d'ici ça clique, pourquoi pas prendre un peu de plaisir sur quelques matchs et avoir les bouts de ficelle de quelque chose qui se crée pour le futur. Le futur, il est là, beaucoup plus vite que prévu. Et le kiff, il est énorme. En début de saison et maintenant, jamais. Enfin, on m'aurait dit ouais, vous allez finir quatrième et encore. Moi je veux dire que depuis, ce qui s'est passé aussi c'est qu'il y a un facteur qui est X et après je laisse la parole aux autres, un facteur X qui arrive aussi c'est Derrick Rose, j'ai plus la stat, je l'avais noté, je l'ai perdu, depuis qu'il est arrivé les statistiques sont incroyables, c'est qu'avant qu'il arrive je crois qu'on était à 2 victoires 3 défaites de moyenne à peu près sur des bilans, des choses comme ça, et il a complètement inversé la tendance. Depuis sa signature on a fait un step up incroyable, incroyable. Et ça en début de saison bah, tu penses pas que Derrick Rose va arriver, et même quand Derrick Rose arrive je me dis pas waouh, c'est un truc de ouf parce qu'il est passé chez nous, parce qu'on a déjà eu. Ouais. Il dit ouais, bon, ça va être cool. Et au final, qu'il apporte son expérience, ce côté et tout, et l'équipe qui a fait. Et puis on a quand même eu une série de victoires. Je crois qu'on a eu 13 victoires pour une défaite ou 12-1. Un truc que moi, j'ai rarement connu en tant que fan d'Enix. Ah bah, ça remonte hein, forcément. Mais en fait, cette saison, elle a démarré. On était tous un peu sur la retenue. On était mesurés. Quand ça commence à avoir des résultats assez équilibrés, voilà. Oui, mais on sait. Dire, on s'enflamme pas. Bah, on a vécu les saisons un peu foireuses, où on a vécu même les saisons avec un effectif quand même qui était plus talentueux sur le papier que ce qu'on a aujourd'hui tout de même, qui bah, au bout d'un moment, voilà, lâchait l'affaire, où il y avait une période où on enchaînait les défaites et voilà, finalement les objectifs, on les remettait vite fait derrière nous quoi. Donc on était dans la retenue, ouais attention, le calendrier il est difficile, attention le road trip de fin de saison, ça va tomber, les autres équipes vont repasser devant nous, on s'est pas renforcé. Il y a eu sur toute la saison cette retenue. Voilà, on y croyait pas, parce qu'on voulait pas y croire en fait. Bah la peur de la déception. Il y a eu tellement de désillusions, hein. Il y a eu tellement de désillusions aussi dans le passé quoi. Beaucoup de fans qui étaient sur la retenue, est-ce qu'ils se comprennent ? Nous-mêmes, quand on a regardé un peu, on est revenu sur nos previews, on se disait si on joue les play-in, ça sera bien déjà, parce que ça montrera qu'on devient compétitif. Mais finalement, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est ce qui est attractif et tout ce qui s'ensuit. Bon, oui. on va pas se voir plus beau qu'on ne l'est aujourd'hui non plus. Quatrième, c'est très bien. Il y a des gens qui minimisent en disant « Ouais, c'est une saison Covid, tout ça, vous n'avez pas trop eu de blessés. » Si, on a eu notre part... Derrick Rose, il a été sur le protocole Covid pendant un moment. Alec Burks, Mitchell Robinson. Franchement, on a passé toute une période. L'infirmerie était pleine. Hein. Ah ouais. Et la saison Covid, elle est là pour toute la ligue. Hein. Donc après, Randle a été épargné par les blessures aussi. Hein. On a eu la chance d'avoir un Randle très régulier. Ouais. Randle et Barrett. Si Randle, on l'a pas sur une séquence comme on a pu avoir avec Rose de 5-6 matchs ou avec Burks des matchs. Hein. Je pense que si Randle, on l'a pas pendant cette période-là, je pense que clairement on a été béni par les dieux du basket sur les blessures sur nos joueurs majeurs. Oui, et nous, parce que moi je vais te dire un truc, ce qui nous a fait du bien, c'est de pas se qualifier pour la bulle l'année dernière, parce qu'à ce moment-là les gars ont pu taffer le foncier comme des porcs que les autres équipes ont pas eu le temps de faire. C'est pour ça que Randle, t'as vu la différence physique qu'il a eu, on en a déjà parlé. Barrett pareil. Ouais, donc les mecs, voilà. Donc les mecs renforcent le foncier, chose que t'as pas forcément le temps de faire en NBA avec tous les voyages, tout ça et tout. L'intersaison est très courte. Et derrière, ils ont pas la bulle. En plus, donc ils sont revanchards par rapport à tout ça. Donc tout ce contexte-là, en finale de l'année dernière, nous a fait du bien, parce qu'aller à Orlando pour se faire taper 4 matchs sur 5 et puis rentrer chez toi et être fatigué, et puis ça servait à rien. Il y a certaines équipes, ça leur a servi à rien. Nous, le fait de pas y aller, ça nous a fait énormément de bien, ça nous a fait gagner du temps et ça nous a permis, je pense, cette saison d'avoir moins de blessés. C'était un élément de motivation supplémentaire. Julius l'a mentionné à maintes reprises. Ça l'a fait chier de même si... Alors, ils seront pas champions, hein. On va pas vendre des choses qui seront pas réalisables. Pour être champion, c'est un process qui prend du temps et on a peut-être été vite là sur cette saison par rapport à ce qui pouvait être attendu. Mais ils ont montré déjà bonnes choses et de la régularité. Si on est quatrième, c'est pas parce qu'on a eu un coup de bol sur une période. Non, ils ont été réguliers tout le long de la saison. Et il y a quelqu'un qui me demandait l'autre jour, c'était quoi ton meilleur match d'Enix cette saison? Bah, on va dire, j'ai du mal à m'en souvenir parce que c'est globalement la saison qui m'a plu. Tous les matchs étaient intéressants, tous les matchs se jouaient pour les gagner. Certains qu'on a perdu, mais voilà, il y avait une vraie attitude, et on parle de changement de culture, bah c'est clairement ça qui s'est passé cette saison, quoi. Et donc du coup, les Knicks deviennent crédibles, les Knicks gagnent du respect, on parle de Big 15, voilà, c'est vraiment ce qu'on va retenir des Knicks cette saison, quoi. Après, faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire d'avoir un coach enfin, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, ça change tout. C'est monstrueux, je veux dire. On passe de David Fizdel, quoi. Je veux dire, il a eu 41 victoires. Sur les deux dernières saisons, on en a eu 38 au cumulé. Donc, enfin, c'est quand même fou. Et alors, pas après un effectif qui a été chamboulé non plus. Il n'y a pas eu de grosses recrues, quoi. Hein, on est d'accord. L'effectif, il faut bien aussi se dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, Seb, pour le coach, c'est clair. Mais d'avoir un effectif qui est à l'écoute. Parce que, tu vois, Thibodeau, on vient parler ici, à Minnesota, les joueurs sont pas à l'écoute à Minnesota sur Thibodeau. Attention, à Minnesota, il avait une double casquette, qu'il n'avait pas, il avait la casquette aussi, exactement, que Léon Rose aussi. Là, il a pu se concentrer uniquement que sur l'aspect basket, playbook, entraînement. Et puis, comme tu dis, il faut que les joueurs adhèrent. Il faut que ton franchise player, Randle, adhère. Évidemment, ça a matché. En même temps, je pense que passer après Fizdel, c'est peut-être pas compliqué. Et tes jeunes qui sont arrivés sont des bosseurs. RG, qui est quand même ton plus haut choix de draft depuis Patrick Ewing et qui est un peu ton projet sur le long terme, c'est un mec qui est un bosseur. Tu vois, c'est pas un fanfaron. Mmh. T'aurais pu drafter. Tu vois, il y a une image qui m'a fait rire. C'était, là, je crois que c'est le dernier match où contre Memphis, où t'as Jamorant qui est dans la raquette et qui fait un peu le fanfaron, qui envoie la balle sur la planche pour essayer de mettre un Thomas. Manque de bol, il a Noël ou Gibson en face de lui, donc il se foire complètement. Et t'as RG qui récupère la balle, qui part au dunk et qui fait un dunk hyper propre, super, tu vois, super sérieux en contre-attaque. Bah, tu vois, RG, ça le joue contre lui d'ailleurs, il est pas flashy, il est pas ultra spectaculaire et tout, mais le mec c'est un bosseur, il est régulier. Et franchement, aujourd'hui, avoir un mec comme lui, régulier, bosseur et qui écoute ses coachs, c'est peut-être une bénédiction pour les Knicks. Oh oui, je trouve que l'effectif a été bien construit, dans le sens où on a pris des vétérans revanchards, ou en tout cas des gens qui avaient besoin peut-être de se relancer, comme un Bullock, comme un Burks. On a fait venir le fils prodigue, le fils spirituel de Thibodeau, et donc quelque part ça ne pouvait presque que mieux fonctionner que la dernière fois qu'il était venu au Madison Square Garden. Et on a fait, et après on est resté sur des profils à peu près similaires, je veux dire Mitchell Robinson, Nerlens Noel. Voilà, bon, là Mitchell Robinson n'est pas là. Est-ce que clairement ça a été préjudiciable, hormis le fait que Noel a des mains à faire des gaufres, sinon après, je veux dire, il met quand même des belles tartines dans la raquette. Et ça nous sert beaucoup. Les contres dans le clutch time, des fois, ont été hyper importants. Donc, je trouve que c'est effectif avec Taj Gibson d'avoir fait revenir. Enfin, je veux dire, Taj Gibson, le soldat de l'hiver, quoi. C'est un monstre. Et je trouve que c'est effectif avec quelques jeunes, pas trop. Enfin, voilà, il y en a eu un peu qui ont été responsabilisés. Mais surtout, on s'est abusé sur une base. Voilà, on a dit à Randle, c'est toi le patron. On a responsabilisé des vétérans revanchards, des mecs qui avaient besoin d'un nouveau de se montrer à la face du basket, quoi, à la face NBA. Et je trouve que cette alchimie, c'est bien passé, quoi. Il y avait le bon mélange, je trouvais. C'est pas trop de jeunes, pas trop de vieux, pas de tête de con comme on a pu avoir avec des Marcus Morris ou des Malik ou des Michael Beasley. Enfin, voilà, je trouvais que ça, il y avait une cohérence dans le travail du recrutement qui avait été fait, quoi. Et c'était la dernière fois qu'il y a eu de la cohérence dans le recrutement, c'était il y a très longtemps. Oui, mais après c'est le lion qui a créé le coach aussi, parce qu'on l'a évoqué l'année dernière, l'effectif n'a pas été bousculé d'une année sur l'autre. Il y a eu quelques apports, tout s'est joué au niveau du banc dans la globalité. Et ça c'est le rôle du coach qui arrive et qui instaure vraiment quelque chose de fort. La culture. Qui fait adhérer ses joueurs, exactement. La culture. Après, quoi. Après effectivement, il y a beaucoup de choses aussi qui s'est bien goupillé. Alors oui, le casting, il a été bon, il est validé de par le résultat de l'équipe, en fait, et surtout l'alchimie qu'elle démontre, aussi bien en attaque qu'en défense, même si des fois en attaque, on a eu des sacrés trous. En défense, ça a toujours été cohérent, mais après, tout s'est bien goupillé. Je veux dire, tu récupères Derrick Rose, pile poil au moment où t'as Burks qui est en difficulté, parce qu'elle a eu pas mal de sujets. Burks aussi, il a été touché par le Covid, il est passé par... Oui, il est passé par des moments très difficiles. Tu récupères Noël alors que tu perds Mitch Robinson. Noël, du coup, en enquillant les minutes et en devenant de plus en plus confiant aussi sur le parquet, fait que le garçon s'exprime à fond. Je veux dire, même s'il a ses limites, tu vois que dans l'intensité défensive, il donne son corps à la science sur chaque action, quoi. Ouais, c'est un role player, il en faut, je veux dire. Il a une mission, il a un rôle sur le terrain. Ouais, et puis, il fait pas de vagues, et sur le terrain, il est parfait, tu vois, il fait son rôle, il cherche pas à s'inventer une vie, il cherche pas à quémander autre chose, et il est très très bon, comme dit Lolo, il donne son corps à la science, tu vois, qu'il se donne en défense, il revient, et... Tu sais, c'est pas un pivot, il est fin comme pivot, mais pourtant, il a jamais rien, et même quand il se fait mal à la main, il se relève. Enfin, c'est un mec qui, dans la mentalité, apporte beaucoup, je pense. C'est un dur au mal, et ça colle complètement avec l'ADN de New York. Là, on est un peu des anciens à faire un podcast, mais on a kiffé ces Knicks des années 90. C'était ça, en fait. C'était pas forcément les plus talentueux, mais ils jouaient bien ensemble, ils jouaient dur ensemble, ils jouaient la défense. Et c'est pareil, on a rarement eu, Pat Riley, c'est quand même un bon coach, on va pas dire, mais on n'a pas eu de coach qui brillait par l'attaque, mais qui était plutôt des coachs défensifs. Et c'est ça qu'on retrouve. Et c'est pour ça que ça continue de marcher. C'est pour ça que le public de New York, je parle de New York, de toute la ville, est plutôt pris d'affection par cette équipe parce que c'est ce qui résonne dans ce qu'ils ont aimé, quoi, dans ce qu'on aime, de voir à New York, quoi. Donc, sans forcément des grands noms, une équipe qui joue ensemble, c'est surtout ça, quoi. N'en déplaise à certains, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le discours de Thibodeau. Quand il arrive, il a dit, moi je veux gagner maintenant, je suis pas là pour faire du développement de jeunes. Ouais. Ça plaît pas, non mais ça plaît pas, je sais, à certains fans, mais lui il s'en fout, il est pas là pour développer un tel ou un tel. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, il joue pas. S'il a besoin de mettre des anciens pour lui faire gagner un match, il mettra des anciens pour faire gagner un match. Ces rotations ont été vite lisibles. On sait qui rentre à quel moment, combien de temps de jeu il va avoir. Et il veut gagner. Voilà. Pour gagner, il faut avoir des joueurs qui en veulent. Et si ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, parce que Gibson, il a 36, c'est ça. À chaque fois qu'il est rentré... On a arrêté de compter. À chaque fois qu'il est rentré, je ne l'ai pas trouvé réellement mauvais. Hein. Franchement, je le trouve toujours juste. Il fait toujours ce qu'il peut dans son rôle. Oui. Et à chaque fois, il est bon. Ah, Gibson, c'est mon gars, Gibson. J'adore. Sébastien, c'est Seb qui disait, moi aujourd'hui, l'absence de Mitch, sincèrement, en début de saison, j'avais espoir qu'il se développe plus. Aujourd'hui, Mitch, on en parlera plus tard, mais Mitch, je trouve que c'est une absence par rapport à d'autres. Tu vois, Burks quand il est blessé, Rose quand il est blessé ou autre. Moi, ça me fait beaucoup plus chier que quand je vois Mitch depuis je sais plus combien de matchs. Quand il est revenu, c'est encore pété. Bah, j'étais pas inquiet. Je me suis pas dit, bon, bah merde. T'es rassuré de la production des deux gonzes derrière, quoi. Ouais, voilà. Et tu te dis, de toute façon, bah voilà, eux, ils font leur taf. C'est des mecs qui sont dans la verticalité, qui font des contres et tout, ce que fait Mitch. Et offensivement, de toute façon, on se débrouille autrement. Donc voilà, c'est quand même moins impactant. Alors tout ça a bien marché pour la saison régulière. La saison régulière, c'est fini, c'est derrière nous. C'est une super saison régulière. Je veux dire, quatrième, voilà, c'est un résultat qu'on n'avait pas eu depuis un bail. Il va se passer autre chose maintenant, non, Laurent? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Écoute, déjà, on va balancer quand même 2-3 news. Déjà, la première news qu'il faut savoir, c'est que donc là, on enregistre, on est mardi. Donc l'annonce vient juste de tomber dans l'après-midi ou en fin de soirée que déjà le premier match va se dérouler dimanche, premier match des playoffs. Donc dimanche. Est-ce que tu peux le redire s'il te plaît, premier match de Parce que tu peux nous dire aussi à quel endroit ça va se passer, parce que on sait pas. Premier match de quoi, des playoffs, c'est bien ce que tu m'as dit. Tout à fait. Non mais trop d'émotions les gars. Ouais. Donc oui, premier match des playoffs va se dérouler donc dimanche. J'ai pas encore la confirmation de l'heure, malheureusement. Non, on n'a pas encore. Mais... On espère que ça soit du prime time, parce que ça arrive parfois que sur les premiers matchs des premiers tours, il y a des affiches un peu pour le public européen ou asiatique. Donc peut-être, par chance, en plus New York, voilà, ça pourrait être diffusé sur des horaires à peu près raisonnables, donc on va guetter tout ça, donc vous suivrez sur les réseaux, hein, enfin, vous êtes tous connectés, et on va relayer toutes les infos, mais ouais, ça va faire longtemps qu'on n'a pas vécu ça, et puis là, le public, il va être un peu plus nombreux alors, aussi. Voilà, et alors ça, c'est la deuxième annonce. Alors, du monde. Également, dans la même journée, évidemment, tout s'accélère, Donc on a eu le droit à la déclaration de James Dolan, compagnie du gouverneur de New York. Ah, il m'a touché, moi. Il était émouvant, limite, le garçon. Tu peux nous en parler, parce que t'as relayé l'actu, là, Joanie. Ah, j'ai plus le détail de tout ce qu'il a dit, mais en gros, bon, il était content et tout, et qui ne serait pas content, enfin, je veux dire, voilà. Ouais, on a beau dire ce qu'on veut, bon, ok, c'est pas le personnage le plus charismatique du monde, tout ça, il a ses casseroles et tout, voilà, il est répugnant sur pas mal d'aspects, hein, ok. Mais, bon, voilà. Le mec, c'est le propriétaire de l'équipe. Son équipe a fait une saison miraculeuse avec un recrutement qu'il a quand même validé. Hein. Thibodeau, à un moment, il lui signe le chèque. Hein, voilà, faut aussi lui redonner une part de crédit sur ça. Quoi. C'est pas parce que Dolan est le propriétaire que les Knicks gagneront jamais. On n'est pas condamné à l'échec. Hein. Le sport, c'est pas aussi simple que ça. Mais non, bah voilà, donc il faisait une déclaration. Alors je crois que ça va être dans le cadre d'un rassemblement par rapport à la ville et l'État de New York. Hein. Donc c'est le gouverneur de l'État de New York qui a autorisé aussi un peu plus d'accès sur ces événements sportifs, un accès au public. Donc auparavant, on était limité aux 2-3 000 spectateurs. Le Garnet faisait déjà du bruit hein, avec 2-3 000 spectateurs. Là, ça va quand même changer d'échelle, changer de level, quoi. Donc on va arriver vers 13 500. Donc ça va être un bonheur de revoir le Garden aussi un peu plus peuplé dans ses travées. Et mettez pas le son trop fort si ça se passe de nuit pour pas réveiller toute la famille, parce que je pense que ça va être bruyant, ce Garden qui va retrouver les playoffs, quoi. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, quoi. Retrouver vraiment On aimerait y être. Bon, après les playoffs. Oui, non, mais après, ouais. Zidane l'a bien dit, il comprend l'importance du sixième homme, et il est vraiment excité à l'idée de retrouver justement cette force à domicile, cette excitation autour de la ville, et le fait que ce soit... Alors bien sûr, il y a des conditions, hein, faut juste être vacciné, tout simplement. Ouais, mais voilà, l'ouverture à 13 000 places du Madison Square Garden, les gars. Donc là déjà, ça fait deux grosses annonces qui viennent de tomber. Et je pense qu'il y aura d'autres petites annonces qui vont parler comme ça au fur et à mesure de la semaine. Mais maintenant, bah voilà, on y est. On va attaquer le cousin, là, comme on dit, là. Donc, dimanche contre Atlanta Hawks. Atlanta qui finit cinquième avec un bilan similaire. Donc on a le game breaker sur eux, parce qu'en fait il y a eu trois confrontations hein, durant la saison, hein. Une en janvier qui s'est soldée par une victoire des Knicks à Atlanta, 113-108, avec 28 points de Randle. Mois de février, une victoire à domicile, 123-112, avec 44 points de Randle. Et la dernière en date, c'était au mois d'avril, une victoire après prolongation, 137-127, avec 40 points de Julius. Messieurs. Julius aime bien Atlanta déjà, c'est une bonne chose. Carton plein face à Atlanta. Il aime le poulet, il aime le poulet. Avec bien évidemment des matchs qui, dans la configuration, restent extrêmement serrés. On n'est pas bluffé par le score, on a tous vu comment ces matchs se sont déroulés sous nos yeux. Je suis sur le site à l'heure où je vous parle de ESPN. ESPN, je crois que tu l'avais relayé, Joanie aussi, qui avait sorti son pronostic. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, le pronostic sur la série, je t'avoue que je n'ai pas regardé ce que nous annonce ESPN. C'était 60-40 hein, en faveur d'Atlanta. 60% en faveur d'Atlanta et 40% en faveur d'Enix sur la série? Ouais, exactement. Ouais, bah c'est très bien qu'on continue de déconsidérer l'Enix. Après, voilà, moi je suis... La saison régulière, c'est une chose. Enfin, Thibodeau l'a dit aussi. Là, c'est une nouvelle saison qui va démarrer. Les compteurs sont remis à zéro. On a beau avoir sweepé les Hawks 3-0 en régulière, ça va pas être les mêmes matchs là, qui vont se passer. Quoi. Les mêmes matchs, pas les mêmes configurations, pas les mêmes entraîneurs. Là, c'est des matchs en jeu aussi. C'est des matchs en jeu. Il y a une sorte de pression quand tu perds des matchs. Bon, ok, c'est une série, ça va au meilleur des 7 matchs. Les Knicks ne se feront pas sweeper. Hein. Il va y avoir une vraie bataille, une vraie lutte. On donnera chacun peut-être notre pronostic à la fin de comment on voit tout ça, mais ouais. Ça reste... beaucoup de gens voulaient éviter les Bucks, parce que voilà, en terminant 6e, on serait tapé le 3e, et donc c'était a priori Milwaukee Bucks. Atlanta, ça va pas être si simple que ça, hein. Faut pas... Voilà, c'est bilan 4-5, c'est en principe la série la plus équilibrée, en principe, sur le papier, puisque c'est deux équipes qui sont proches au classement, et puis là, elles sont tellement proches qu'elles avaient le même bilan. Donc là, c'est juste le tie-breaker, les confrontations directes qui étaient en l'avantage de New York et qui donnent l'avantage du terrain. Pour le coup, il y aura un vrai avantage du terrain, parce que le Garden sera un peu plus plein, donc ça, c'est cool. Mais ça va être une confrontation, une affiche compliquée. On va en parler. Il y a des match-up, il y a des joueurs à regarder en face. Ça va pas être si simple. Moi, je suis heureux de la saison régulière. Je suis heureux de retrouver les playoffs. Là, j'ai envie d'y croire par rapport à New York sur cette série, mais je pense que ça va être plus compliqué que ce qu'on veut bien croire. Parce que en face, même si ça manque aussi d'expérience en playoff, hein, les Trae Young, les Bogdanovic, je suis pas sûr qu'il ait fait les playoffs, même s'il a un bon background en Euroleague. Il était aux Kings, donc vu que les Kings, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Voilà. Non, puis il a pas joué ailleurs qu'aux Kings, donc bon, non. Il connaît les matchs en jeu parce qu'il en a joué sur le vieux continent. Mais autrement, voilà, c'est une équipe jeune aussi, avec un vrai coach. Nate McMillan qui a repris les rênes de l'équipe, ça a changé un peu la donne aussi en courant de saison pour Atlanta. Donc non, ça va être une vraie bataille, ça va être une vraie série, et ça va être intéressant, ça va être bien justement. Mais pour moi, on n'est pas plus favori que ça, 60-40, ouais, c'est peut-être même du 50-50 à vrai dire, quoi, je sais pas. Fin... Pour donner deux trois petits chiffres, Atlanta, sur les 20 derniers matchs, c'est 14 victoires. Ouais. C'est une équipe qui tournait bien quand même. Ils sont sur une bonne dynamique. Et depuis que Lloyd Pierce s'est fait virer, donc il y a eu 36 matchs qui ont eu lieu, il a eu 27 victoires. Donc ils sont clairement dans une super dynamique. Bon, ils ne voulaient plus de Lloyd Pierce, on a compris. Hein. Ils jouaient plus, ils n'en voulaient plus. Mais depuis que Nate McMillan est arrivé, clairement, il a remis des gens dans la rotation. Bogdanovic, il ne jouait plus. Et puis là, il se retrouve. Pour moi, ça va être un de mes principaux dangers, mais ça, je lui dirai plus tard. Et puis, en fait, on s'aperçoit également que sur les ratings, au niveau de l'offensive et du defensive rating, on est quasiment à égalité avec eux, mais inversement. C'est-à-dire qu'eux, ils sont 8e à l'offensive. Nous, on est 23e et eux, ils sont 21e au défensive. Et nous, on est 3e. Donc, on est au net rating 9e et 10e. Donc, c'est hyper serré. C'est une série qui... bien malin, celui qui peut dire non, mais c'est sûr, ça va se passer comme ça. Parce que, en fait, on a des équipes qui sont sur des dynamiques et sur des groupes quasiment voilà, sur, similaires. Quoi. Donc, ça va être une sacrée bataille. Ça va être, Disputé. Ton sentiment, toi, Juju hein. Ouais, bon, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Clairement, Atlanta a bien recruté cet été. J'en avais parlé et je maintiens toujours qu'on a fait un bon recrutement. Après, moi, tu vois, oui, éviter Milwaukee, c'était bien parce que pour moi, Milwaukee, cette année, va surprendre du monde en player parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes erreurs que les autres saisons, arrivent plus frais. Et puis Giannis en forme, c'est très compliqué à stopper. Moi, je voulais pas prendre Miami. Miami, à chaque fois qu'on les a joués, on a vraiment galéré. C'est compliqué. Ah oui, non, mais c'est chat noir, Miami. Miami, pour moi, c'était vraiment pas le bon choix. Donc, Atlanta, par défaut, oui, c'était un choix qui moi, me va. Atlanta est clairement plus fort que nous offensivement. Ils ont plus de talent. Bogdanovic, Gallinari, faut pas l'oublier. Trae Young, quand même, un talent. Je n'aime pas ce joueur, mais il a un talent phénoménal. Werther? Ils ont Werther qui est pas mauvais. Enfin, ils ont pas mal de joueurs. Cam Reddish qui peut faire le taf, DeAndre Hunter qui apporte. Enfin, Capella qui va nous tabasser à l'intérieur. Et à l'intérieur ils ont Capella et Collins. Donc ça va être très compliqué, très très compliqué. Maintenant, moi je les trouve pas dur au mal Atlanta. Tu vois, c'est la différence. On en parle par rapport à. Ouais, nous. Voilà. C'est un point qui est important. C'est un point qui est important. Et moi, je te rejoins vachement là-dessus, Juju. Là, c'est l'ascendant psychologique à l'heure d'être dans la difficulté. Moi, j'ai trouvé sur nos confrontations les Hawks très nerveux hein, sur des passages, on va dire un peu serrés. Exactement. Un gars comme Young, tu vois, dès que tu lui colles au basque, il aime pas. Il sort de son jeu. Il a du mal. Gallinari et Bogdanovic, c'est des joueurs offensivement un talent incroyable, mais c'est pas des joueurs sous pression. C'est des joueurs qui sont voilà, qui aiment bien être dans leur confort, dans le truc et tout. Ils connaissent la pression quand même. Mais c'est un peu une opposition de style, effectivement. Ouais, c'est pas des joueurs. C'est des joueurs à l'européenne déjà. C'est des européens et tout. Et sur un match-up hyper serré comme je vous l'ai dit, c'est des chiens. Je pense sincèrement qu'on peut leur faire très mal sur cette dureté qu'on a. Parce que franchement, ils vont nous en coller, ils vont nous mettre des séries à un moment qui va peut-être se prendre des 15-0, des 12-0 et tout. Préparez-vous. Mouillez-vous la nuque. Mais par contre, ils sont capables aussi de très vite paniquer. Sauf que nous, bah, on sait qu'on prend 14-0, mais on sait que derrière, on peut leur stopper 5-6 actions derrière. Et eux, je pense que s'ils se prennent un run, ils savent pas le gérer aussi bien que nous. Juste le truc qui m'inquiète un tout petit peu. Alors oui, le côté... moi, je pense que l'ascendant psychologique, on l'a. Parce que l'importance de la défense en playoff n'est plus à prouver. Mais après, on a vu que malgré tout, pour taper les Hawks, il faut monter haut au niveau du scoring. Et moi, c'est un peu ça, en fait, qui m'inquiète. Quoi. Donc... va falloir qu'offensivement on soit au rendez-vous et de manière régulière en fait. Il va falloir en coller, mais il va falloir c'est clairement les cogner. Défensivement, on n'aura pas le choix. Et offensivement, va falloir aller sur des hautes sphères, c'est-à-dire qu'il va falloir que Burks et Bullock mettent dedans. C'est clair c'est et ça. Net que eux vont être les facteurs, c'est parce que Rose, Barrett, Randle, je pense qu'ils vont être dans leur standard un peu offensif, alors je donne pas de chiffres, mais voilà. Bullock ou Burks, c'est souvent la pièce en l'air. Ils peuvent te mettre 25 points, ils peuvent t'en mettre 5. Et ces deux-là, c'est clairement nos deux autres talents offensifs, parce que le reste de l'équipe, voilà, ça fait des gaufres comme dit Sébastien, voilà, c'est mignon. Mais c'est pas des scoreurs. Ah, il y a Quickley qui peut aussi prendre feu, mais première playoff, rookie et tout, donc je le mets un peu à part. Ouais, et encore, il a pas eu peur arriver en NBA, donc je pense qu'il aura pas plus peur en playoff. Playoff, c'est un facteur X clairement. Mais Bullock et Burks vont être capitaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux. En plus, c'est les deux ailiers, c'est les deux shooters à 3 points. Ils vont être hyper, hyper importants sur cette série. Ah bah de toute façon, je pense que notre réussite va passer par la réussite de Bullock. Hein. Notre réussite, moi pour moi, à New York, notre réussite va dépendre de si Bullock met ses 3 quand Randle lui lâche la balle. Quoi. Ouais. Pour moi, ça va être déterminant. Ça va être de voir. Si Bullock enchaîne les 3 et qu'il commence à être chaud sur un match, c'est pas mal. Si par contre, ça commence à taper de la brique, là, ça devient plus compliqué parce qu'on n'a pas non plus des tonnes de menaces extérieures. Et c'est vrai que la connexion Randle-Bullock marche très bien. Et souvent, quand Bullock est en feu, en règle générale, derrière, on gagne. Et là, ça va être... Justement, là, tu fais une belle transition, Sébastien. Et justement, garde le relais par rapport à ça. Pour toi, les oppositions clés durant cette série, ça va être quoi? Qu'est-ce que tu vois comme gros duel, notamment, arriver là? Moi, je pense que RG va devoir bien tenir Bogdanovic parce que lui, il est clairement en feu sur cette fin de saison. Je veux dire, au mois de mai, il tourne à 22 points, 54% de réussite au tir et 51% de réussite à 3 points. Il prend pas 2-3 points, il en prend quasiment 10. Donc, oui. Il est clairement en feu, Bogdanovic. RG a montré que ça pouvait être un très bon défenseur sur l'homme. Il a de longs segments, il bouge très bien de façon latérale. Je veux dire, il lâche pas son mec. Ouais, il a défendu des clients hein, cette saison, hein, RG. Ouais. Donc, je pense que RG sur Bogdanovic va être super important. Et l'intérieur, en fait, avec Capela, essayer de couper ce lien Young-Capela qui peut nous faire vraiment très mal. Et puis le problème, c'est que Young en défense sur l'homme, j'ai entendu un peu tout sur lui, du Franck, bon voilà, n'importe quoi. Mais Payton, en début de match, il va falloir qu'il se mette dardard sur Young. Et toi, tu balances les dossiers épineux direct, là. Ça y est, on est parti. Et le Fred Payton. Leur franchise, c'est très Young. Notre titulaire à ce poste-là, c'est Payton. En opposition pure et simple, c'est ça semble un peu déséquilibré comme ça sur le papier. Donc, est-ce que Rose va rentrer direct? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, l'opposition principale chez eux, c'est Trae Young. C'est lui qui fait tourner l'équipe. C'est lui qui est le facteur X, même si Bogdan est dedans et Gallinari peut prendre le feu aussi. Mais Trae Young, c'est quand même lui, leur joueur. Écoutez, moi, je vous propose un truc. On appelle Thibodeau, là, vite fait. On lui demande ce qu'il prévoit de faire. Et puis... Donc voilà. Donc si tu mets Payton. Attends, bouge pas, j'ai son numéro. Attends. Ah, ça sonne occupé. Merde. Bon. Si tu mets Payton dessus, tu vois. Et tu sais, ça serait tellement beau. Excuse-moi, je te coupe la chic, Johnny. Ce serait tellement beau que Payton, justement. Soit Factor X sur cette série, notamment sur sa défense sur Trae Young. Ça, s'il nous fait ça. Ce serait tellement beau de voir ça. On serait tous heureux. On lui souhaite. Et tu vas me dire aussi, et puis ça serait formidable que Nox soit le Factor X à 3 points. Non, racontez pas n'importe quoi, là, arrêtez. Non, mais les gars, après en ayant une petite dose quand même de lucidité sur le fait que Payton va démarrer les matchs, ça c'est clair et net. Combien de minutes ça a déterminé, notamment par le nombre de fautes qu'il va effectuer dans le premier quart. Mais voilà, ça permettra également de soulager défensivement nos vrais artilleurs ou nos vrais distributeurs au poste 1. Qui sont Rose, qui fait une saison inespérée, au-delà de toutes les attentes, et évidemment pour soulager Quickley. Donc moi, c'est sur cet aspect-là, qu'il prenne son quota de faute, j'ai envie de te dire, Payton, mais qu'il fasse péter les plombs à Trae Young. Il est capable de faire péter les plombs sur pas mal de joueurs adverses. Payton, justement, il est capable défensivement de faire péter les plombs son adversaire direct. Et je serais curieux, moi, de voir cette opposition, et notamment sur la partie défensive des Knicks. Curieux, il y a beaucoup de gens qui vont être inquiets, justement, parce que Payton, ces derniers temps, il joue pas son meilleur niveau. Et déjà, quand il joue à son meilleur niveau, ça rassure pas grand monde. Donc là c'est inquiétant pour beaucoup. Le body language n'est pas très bon. On sent que le gars, il est quand même mis sur la touche dans tous les sens du terme. À voir. Moi, je pense pas qu'il y aura de... Thibodeau va pas révolutionner, je le vois pas révolutionner son 5 parce que ça y est, on attaque les playoffs, donc je mets quelqu'un d'autre. Par contre, effectivement, Trae Young, c'est la menace numéro 1. C'est, appelons un chat, ou un aigle. C'est le franchise player des Hawks aujourd'hui. Donc c'est le All-Star, c'est par lui qu'il y aura beaucoup d'attentes. Il va avoir une certaine forme de pression, d'une certaine façon, parce que ça va être ses premiers playoffs. Hein, donc voilà, Luka Doncic, il a fait ses playoffs, lui il l'a pas encore fait. Donc c'est le moment de briller, c'est aussi le moment, les playoffs, où les grands joueurs se révèlent. Donc, Cette saison, Trae Young a été moins bon que les autres saisons dans l'image, dans plein mal de choses. J'avoue, je sais pas, parce que je regarde pas trop les Hawks, à part quand ils jouent les Knicks. Mais... Il a quand même envie de prouver, et donc pour lui, voilà. Après, il a aussi l'attention des arbitres. Hein. Il récupère pas mal de fautes, donc Il a un jeu pour aussi. Il a un jeu, et puis il est assez maigrichon. Donc dès qu'il se prend des contacts, il vole tout de suite. Donc ça y est, la faute, elle est vite sifflée. Donc il sait en jouer. Hein. Il sait en jouer de son physique un peu frêle. C'est une façon aussi de mettre des points, de mettre la pression sur la défense. Il shoot de très très loin, donc c'est compliqué. On va pas arrêter. Triangle. Il va nous foutre des cartons, il va prendre feu, il va falloir le limiter, comme tous les grands joueurs de la ligue, quand ils arrivent sur ces moments-là, on les arrête pas, on les freine plutôt. Donc il va falloir se relayer dessus. Payton, c'est avant tout un défenseur, donc on aime ou on n'aime pas, mais bon, à voir ce qu'il va nous donner, s'il va essayer de se révéler. Ça parle de Frank aussi. Ça parle de Frank ces derniers temps. Alors ces derniers temps, on l'a vu des petits bouts de seconde. Voilà. Donc c'est que d'une certaine façon, Thibodeau l'a pas complètement oublié. Est-ce que c'est la dernière chance de Frank d'être utilisé, de prouver qu'il vaut quelque chose sur des séries de playoff ou la défense. Frank, il est long. Frank, il gêne par son physique. Donc on n'attendra pas des points de sa part, mais ça peut être une occasion pour lui de se montrer en mission pour ralentir, freiner du triangle. J'ai envie de dire sa dernière chance à Frankie, je ne sais pas, mais sa première sans aucun doute. Hein, donc voilà. S'il avait vraiment voulu l'utiliser, enfin je veux dire, il y a des match-ups durant la saison régulière où clairement il aurait vraiment servi. Et il s'en est pas servi. Et Thibodeau, c'est pas quelqu'un qui modifie comme ça toute sa line-up. Donc moi, je pense que s'il y a blessure de Payton, peut-être, mais sinon... Non, mais Thibodeau, il faut passer à un truc, c'est que Thibodeau, en playoff, c'est 8 mecs, hein. Il joue pas avec... Oui, bien sûr. Alors, c'est qui ces 8? C'est qui donc, ces 8? Les 8, tu les as, hein. T'as les 5 titulaires, tu rajoutes Burke, Rose, Quickley, et ben Gibson, ça te fera peut-être le 9e, basta, si Robinson n'est pas là. Donc aujourd'hui, Thibodeau, enfin après, il a peut-être changé depuis, mais ça a toujours été un mec. Et déjà, et d'autres équipes. Non, mais la plupart des coachs en play-off jouent avec 8-9 mecs. Ils ouvrent pas le banc, c'est très rare, sauf si c'est la fin du match et qu'ils sont tranquilles. Mais voilà. C'est donc les 8-9 mecs, tu les as déjà, tes mecs. Tu sais très bien que c'était 5, plus Burks, Rose, Quickley et Gibson pour faire le taf pour. Pour faire souffler aussi Noël, parce que Noël va se prendre sur le rable Capella et Collins, donc ça va être chaud. Ouais, il va faire des fautes. Donc voilà, donc tes mecs, tu les as. Donc les fantasmes qui va faire rentrer Topin, Franck. Topin, je pense pas, mais. Et Knox et tout ça, il va le faire s'il a pas le choix, si t'as des mecs qui sont Fallout ou des trucs comme ça. Mais sinon, Thibodeau, c'est déjà un mec qui fait pas beaucoup tourner, et en playoff, encore moins. Donc à part blessure. Ou scénario de match improbable, moi je te dis, il va pas tenter des folies. Hein. Non, il va pas révolutionner ses rotations, on est d'accord. Pour moi, le starting 5, il bouge pas. Il a prouvé que il savait gagner des matchs. Toute la saison, t'as une certitude sur toute la saison, tu vas pas maintenant. Non, bien sûr. Par contre, ceci dit, il va falloir défendre. La réussite d'Enix, ça passera par la défense. Elle passera pas par l'attaque, parce que oui, il va falloir qu'il y ait des facteurs X, des joueurs qui prennent le relais. Randle, il va faire ses matchs. Il va être ciblé aussi, et il va falloir qu'il assure. Barrett aussi, mais il réussit plutôt bien contre Atlanta. Donc puis même de jouer contre Cam Reddish et tout, c'est un petit facteur aussi de motivation face à un ancien coéquipier. Mais voilà, mais ça va passer, la réussite d'Enix, ça passera par la défense. Et physiquement, en face, tu sais, c'est pas des mecs qui sont super forts. Jung, Bogdanovic, Gallinari et tout, c'est pas des masses, ils jouent pas là-dessus. Nous, on a des mecs qui sont physiques et qui jouent vachement là-dessus. Donc c'est vrai que sur nos match-up, je pense qu'il va taper là-dessus un petit peu. Ouais, moi, je suis pas... voilà, on a déjà longuement débattu à multiples occasions, parlé du cas de Franck. Et sur cette saison, bah, il a régressé, il a rétrogradé. Pour moi, la page va se tourner hein, sur Franck. Ça sera comme ça, ça sera comme ça. Mais il se peut qu'il soit utilisé vraiment parce que en mode mission défensive, et là, on l'a sorti sur des séquences quand il restait 3 secondes par-ci, par-là. Donc, c'est que Tibbs l'a pas complètement oublié. Il va falloir freiner, il va falloir gêner Trae Young. Donc, pour moi, Franck, il va pas jouer en meneur. Beaucoup de gens opposent, comment ça s'appelle, Payton avec Franck. Franck, il joue plus meneur, il joue numéro 2, il joue combo garde, on va dire. Il joue poste 2, il peut porter le ballon si tu veux, mais voilà. Par contre, il sera utilisé pour sa défense, à mon sens, en vue de gêner, de contrarier du Trae Young. Alors, ça sera par séquence, mais ça sera peut-être des séquences un peu plus longues que les quelques bouts de seconde qu'on voit par-ci, par-là. Voilà, ça sera... essayer parce que Rose, on a besoin de ses points. Franck, on n'a pas besoin de ses points. Franck, on a besoin de sa défense. Donc, je me dis, il y a un moment où il faut vraiment le ressortir. Ça sera là sur cette série en vue de le contrarier par rapport à Trae Young. Après, franchement, moi, là où je suis assez confiant, c'est quand même on a une bonne semaine de préparation. Mis à part Mitch, qui en plus pourrait potentiellement revenir, mais bon, ça, revenir dans la rotation, il y a un gros doute, mais revenir dans l'effectif, ça, c'est fort possible. On n'a pas essuyé de gros dégâts majeurs en termes de blessures, et on va avoir une équipe quasiment complète, quoi, dimanche. Donc, dans un état de fraîcheur retrouvé, moi, j'ai pas senti les Knicks avec une réelle perte collective de jus. T'as eu des joueurs qui sont un petit peu passés au travers, tu vois, sur un, deux matchs, mais collectivement, moi, j'ai pas senti de gros coups de mou. Et le fait d'avoir justement ce temps de latence-là, moi, me donne pas mal d'espoir à l'heure d'aborder ce match-là, quoi. Bon, par contre, on titularisera clairement pas Karim Benzema, hein, ça, c'est certain. Voilà, les rotations, elles vont être plus courtes. Peut-être retrouver Mitch ou pas, je sais pas. Ça va être compliqué de revenir d'entrée de jeu sur des séries de playoffs. S'il faut retrouver Mitch, ça sera plus tard dans les playoffs, si on va plus loin. Donc, ouais, les Knicks, je pense qu'ils se sont mentalement mis pour jouer cette post-saison. Déjà dans la saison régulière, on a vu, c'était match après match. Il n'y avait pas de projection à long terme. Donc, je compte sur le sérieux du coaching staff, des joueurs, pour rester impliqués. Ils ont célébré de façon modeste, je trouve, la qualification pour les playoffs, alors que c'est quelque chose quand même de très important pour la communauté Knicks, surtout quand on connaît l'histoire, ouais. Plus l'avantage du terrain, tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont toujours focus. Et donc ça, avant d'attaquer les playoffs, c'est bien, parce que du coup, on peut s'attendre à ce qui mène une bataille comme ils savent le faire, comme ils ont su le faire en saison régulière, même si ça reste des matchs différents, s'il y aura de la pression, de l'enjeu, on pourra pas avoir les mêmes moites au début. Mais je pense qu'ils vont pas changer d'état d'esprit parce que ça y est, on arrive en play-off et ils vont pas perdre leur jeu, quoi. Ce qui a été construit lors de la saison régulière, on va le retrouver. Les joueurs sont en confiance, les joueurs sont revanchards. Il n'y a pas grand monde à avoir connu les playoffs dans le roster, à vrai dire. Je sais même pas trop dire qui. Enfin, Rose, forcément, mais. Bullock, je suis pas sûr. Ayuta. Bah, bon, voilà, on est sur un effectif qui va découvrir cette partie de la saison. Mais en face, c'est pareil. Donc, du coup, il n'y a pas de complexe à avoir, même s'il ne faut pas se voir plus beau qu'on ne l'est. Il va falloir être appliqué, quoi. Je pense que tu as raison. Ce qui est bien, c'est que dans la démarche qu'on voit, dans l'attitude, c'est que les play-offs, c'est qu'une étape. Nous, on est content d'être en play-off en tant que fan, mais visiblement, les gars, eux, c'est une étape. C'est genre, OK, on est en play-off, mais on ne veut pas sortir au premier tour. On veut jouer les play-offs. Ils veulent les jouer. Ils ne veulent pas juste venir et dire, ça y est, on est enfin, là. La figuration, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, on n'ira pas en filaner le billet, enfin, je ne pense pas, mais voilà, eux, je pense qu'ils veulent clairement, je pense que leur objectif, c'est clairement aller le plus loin possible, quoi. Aller le plus loin possible. Après, la chose qui peut nous différencier des Atlanta Hawks, c'est qu'eux, ils ont un jeu super rapide, quoi. Et comme on dit, en fait, c'est un play-off, le jeu se ralentit. Déjà dit parce qu'il y a accumulation des matchs, mais les défenses se resserrent. Les minutes aussi. Le fait que les joueurs jouent plus longtemps, à un moment, tu perds du jus. Nous, on a toujours un peu joué sur ce rythme-là. On a une des paces les plus faibles de la ligue. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours joué dur en défense, dur sur l'homme, et on n'a jamais fait non plus des cartons, voilà, des 130, 140 points. Donc, et puis on a arrivé souvent à limiter les équipes adverses, presque et pas mal de matchs à moins de 100 points. Donc je pense que quand même cette différentiel de rythme ne va pas trop nous impacter à nous, dans le sens où c'est un rythme qu'on pratique. Connaît quoi, qu'on connaît déjà, on est en mode playoff depuis le début de la saison quoi. Oui, mais Ben, clairement. quelque part, on joue dans cette espèce de rythme là, dans cette espèce de rythme de voilà, de rythme de croisière où ben ça court pas, c'est pas du run and gun quoi. C'est ça joue vraiment sur séquence tranquillement. Enfin, ça pose les attaques, ça. Et peut-être que ce changement de rythme va être un peu préjudiciable. Peut-être pas sur les premiers ou le deuxième match, mais après sur le reste de la série, parce que faut pas que les joueurs se crament trop rapidement. Et des mecs comme Trae Young, peut-être que ça peut être un peu compliqué pour lui d'enchaîner rapidement donc tous ces matchs, surtout qu'en plus face à une équipe autant rugueuse, quoi. Donc Et après, bon, Thibodeau a quand même de l'expérience aussi. ouais. Il sait jouer, la pression, il connaît. Ils n'ont pas l'air d'avoir craqué sous la pression de New York. Et puis, New York, là, en ce moment, ce qu'il y a, c'est qu'on a une pression positive. Dans la mesure où à New York, on a été sevré de playoffs, on a été sevré de résultats depuis longtemps. Personne ne les attendait là. Donc, c'est que du bonus pour eux. Le public va être là en les encourageant. Mais pas parce qu'on attend quelque chose. On n'attend pas d'aller chercher une finale. On n'attend pas quelque chose comme ça. Donc, tout le monde va être à fond derrière eux. Et ça, c'est une pression positive. Après, dans les années à venir, ça changera. Mais là, tout le monde est derrière. C'est que du bonus pour eux. C'est que du positif. C'est ça, il n'y aura pas d'obligation de résultat, tu vois. Donc c'est Exactement. Ils ça ont qui est. déjà rempli leur contrat. C'est que du bonus. Eux C'est sont ça. déter. Eux ne se fanfaronnent pas après ça. Tu vois, ils ont ressorti la vidéo de Randle qui annonçait en début qu'ils iraient en playoff et tout Ouais. en début de Énorme saison. cette vidéo. Énorme cette Voilà, elle est vidéo. énorme. Mais bon, voilà, il a raison. Aujourd'hui, le we here, c'est ça, c'est voilà, dire on a réussi et tout. Ils ont envie de faire quelque chose. Donc on va peut-être passer sur les pronostics à un moment donné, tu vois. Moi, je me Bah, va lance. falloir se mouiller maintenant. Bah, moi, je me mouille. Moi, j'annonce une victoire 4-2 pour les Knicks. Ça va être compliqué. Allez. Ça va être compliqué. Mais avec tout ce qu'on vient d'évoquer et tout, j'ai envie d'y croire. Alors peut-être que non, mais j'ai envie d'y croire parce que oui, on va perdre des matchs. Oui, quand le scoring va être trop haut, on suivra pas. Donc je pense que même chez eux, ils vont nous taper et qu'on va prendre des valises et que ça va être un peu plus difficile, surtout quand ils vont mettre dedans. Mais qu'au final, l'intensité qu'on va leur mettre, comme a dit Sébastien, la pèse qu'on va avoir, tout ça, je pense qu'Atlanta, on va les battre. Je pense qu'on va les taper 4-2. Au final, je pense que c'est un bon match-up pour nous. Comme je t'ai dit, Milwaukee, Miami, compliqué et tout. Je pense qu'Atlanta, c'est peut-être notre meilleur match-up possible. On les a joués 3 fois en saison, ça a été 3 fois compliqué, mais au final, dans la dureté, dans Ouais, la l'agressivité, solution, quoi. ils sont pas là et au final on trouve la solution. Et je pense que mentalement, Bogdanovic, Gallinari, Trae Young, Capella et tout, c'est pas des monstres, tu vois, c'est pas non plus injouable. Moi, j'ai peur, ouais. Moi, j'ai peur de Capella, quand même. Moi, j'ai peur de Capella parce que ça va être, il va gober du rebond Oui, à il va foison. gober du robot, il va faire mal à l'intérieur, mais Capella, c'est pas lui qui va te faire gagner des matchs, c'est pas LeBron, c'est pas Kobe, tu vois ce que je veux Ah, dire? mais les rebonds, c'est important. Les rebonds offensifs, les secondes chances. Quand les scores sont serrés, les rebonds, c'est Ouais, très mais moi important. Et. je pense qu'un coach comme Thibodeau va à un moment donné trouver la solution contre Capella et que de toute façon, ils vont l'user. Et je pense sincèrement qu'on. Moi, je vois 4-2. Voilà, je te le dis, je pense qu'on passe 4-2. Ils n'arriveront pas à répondre contre la densité physique et la pression qu'on va leur mettre. Je pense sincèrement que Young, tu vois, Young, chaque fois qu'il a une pression, il est mauvais. Il est vraiment mauvais parce qu'en plus, il est petit. Non, mais il est. Je parle Oh, que mauvais. tu aies raison, j'espère que tu auras raison. Ah, mais je te parle pas mauvais dans le jeu, je te parle mauvais dans son attitude. Il est Ah. frustré. Tu vois, il se frustre très vite quand il a du répondant et quoi que ce soit et qu'il ne peut pas mettre ses shoots du logo. Faut pas oublier sur la dernière confrontation avec Atlanta, si on la gagne, c'est un grand parti parce que Trae Ah, il Young sort sans sort de blessure. blessure. Ouais. Et jusqu'à présent, il nous faisait très mal. Et Oui, ouais. il sort à 20 points, il sort à 20 points, 14 passes et il finit pas le match. Non, mais il sait jouer contre les Knicks. Après, il y aura un défi physique sur lui. C'est vraiment ça aussi, je disais tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas mettre du Franck pour le gêner, pour le contrarier, pas pour l'arrêter, hein, il va pas le bloquer, mais pour le contrarier. Donc il y aura un défi physique à faire sur lui. Mais oui, il va hériter des fautes. Il n'aura pas une attitude, je pense. Il va être observé. Il va avoir quand même beaucoup de pression sur les épaules. Nous, chez nous, ça va être Randle, ça va être Barrett, mais ça va être un groupe qui aura la pression sur les épaules. Alors que là, j'ai plus l'impression qu'Atlanta, il va prendre beaucoup de pression. Après, il peut briller aussi, hein. Je veux dire, il y a des joueurs qui passent un level, un cap lors des playoffs. Donc ça peut être tout ou rien, soit un flop parce que il résiste pas aux défis que lui propose les Knicks. le défi collectif, soit au contraire, il va faire une saison de feu et nous faire des misères parce qu'il aura une adresse au rendez-vous et on ne saura pas trouver la solution. Donc il va être observé, forcément. Mais il va faire mal, mais sur la série, je pense que Thibodeau va trouver une solution et que voilà. Moi, je pense qu'on fasse 4. Il y aura un battle de coach, hein, parce que Nate McMillan, c'est aussi un sacré coach. Qui a du vécu en playoff aussi, donc c'est vraiment une belle opposition. C'est bien, au moins on a une affiche. On craint pas un sweep, on va pas se faire. On aurait terminé 8e, 7e, on se tapait les Nets, ça aurait été beau pour le folklore de la Battle of New York, mais ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ah, les Nets nous auraient pas sweepé, je pense sincèrement que les Nets nous sweepaient pas. Ils nous battent, je pense, faut pas se mentir, ils ont plus de talent et tout, mais ils sweepent pas les Nets. Tous les matchs qu'on a joués, ils étaient pas au complet, mais ils seront pas au complet tous les playoffs, les Nets, hein. Nous, il nous manque un vrai guard élite, quoi. Il nous manque un vrai mec à l'arrière. Ah, ça sera une discussion qu'on aura bientôt, Seb, à mon avis. Il va falloir qu'on fasse un 14e épisode, un de ces quatre, je pense. Ouais, et je pense qu'après, Agency va nous être intéressante. Parce que c'est vrai que là, pour dans le cas de ces rendez-vous-là, avec un mec qui peut prendre feu à tout moment, avoir un type qui peut vraiment, parce que Bullock, on peut le qualifier de free and D, mais c'est pas non plus fou, quoi. Je veux dire, des fois, ça arrive souvent qu'il se rate à 3 points et en défense, bon, il fait le taf, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Je veux dire, par exemple, un Matisse Thybul, ça serait là, dans un match comme ça, le mec peut lui faire du l'enfer. Et on n'a pas de mecs comme ça qui sont capables de pouvoir faire vivre l'enfer, ouais, aux arrières adverses. Non, mais step by step, chaque chose en son temps. Les gars, pour revenir sur la série, parce que moi, il n'y en a qu'un seul qui s'est mouillé pour le moment. Ah oui, bah tu veux qu'on se mouille. Merci Laurent, parce que là, ça tricote depuis tout à l'heure. Les gars, on va structurer des scénarios, le salade, on est créatifs. Là, je vous fais confiance là-dessus, les messieurs, il n'y a pas de sujet. Mais là, concrètement, les gars, mouillons-nous. Mais pas de problème, Laurent, tu sais qu'on n'a pas peur de se mouiller. Non, mais Julien, tu dis 4-2, moi je pense aussi que ça fera un 4-2 pour les Knicks, parce que j'ai envie que les Knicks passent, mais les matchs vont être accrochés, vont être compliqués. Mais oui, je crois que les Knicks sont un supplément d'âme collectif qui fait qu'ils peuvent sortir de cette battle-là. Mais ça va être plus compliqué que ce qu'on veut croire. Tant mieux, si on fait au bout de 6 matchs, ça fera une belle série de play-offs, et puis on verra la suite, mais ça peut aussi être un 4-2 Atlanta, hein, je veux dire, attention, le premier match va être une sorte de forme de pression. Donc, Mais bien sûr, ça peut être un 50-50 ou quoi que ce soit, mais là, il faut choisir. Et moi, j'ai dit 4-2 Knicks, pour moi. 4-2 Knicks, c'est enregistré, c'est dans la boîte 4-2 Knicks. Voilà. Après, quand je fais la pause pro, je peux changer ce que tu veux. Non, 4-2 Knicks, je confirme 4-2 Knicks. Allez, c'est validé. Sébastien, il est l'heure de passer à la casserole. Ouais, bah moi je pense qu'on va finir au Madison Square Garden en 7. Pour moi, c'est un 4-3. Game 7, carrément. Pour moi, c'est un 4-3. Les équipes, elles sont trop proches. Elles vont se neutraliser. Elles vont se rendre pour coup. Ça va être épique, quoi. Ça va être pour le retour des Knicks en playoff. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose de Broadway, quoi. Il faut que ça. C'est du spectacle, quoi. Exactement. Pas... Et, mais après, outre la blague, moi je pense clairement que ces deux équipes, elles sont vraiment proches. Qu'elles ont des arguments chacune pour se faire mal, et que l'avantage du terrain va être déterminant, même si il y a quand même moins de supporters, mais avec le Madison qui va rouvrir aux deux tiers, et je pense que Atlanta, ça va être sûrement la même, ça va suivre. Je pense que ça va être compliqué, ouais. Et moi je pense que ça va se finir 4-3 au Madison Square Garden, avec finalement une victoire à l'usure, c'est-à-dire que ce sera pas genre sur un 3 points de l'espace de Randle sur une jambe. Je pense que ça va se finir à l'usure. Les mecs, ils vont être sur les rotules. Et à la fin, on finit sur le 7e match avec un plus 8 ou un plus 10, un truc comme ça. Et puis, mais en 7. Bon, tout est enregistré là. Hein. Ouais, c'est enregistré. Déjà... J'ai joué au jeu de Trash Talk et c'est exactement ce que j'ai marqué 4-3 Knicks. écoute, tu vois, j'étais à deux doigts de te rejoindre, mais je vais rester moi sur ma première idée. Effectivement, je vois les Knicks en 6. Je vois les Knicks en 6 parce que je crois plus à l'ajustement sur la série, la gestion de la série. Ouais. Et je pense que les ajustements de Thibodeau, enfin, du moins, j'ose espérer, évidemment, seront beaucoup plus judicieux que ceux de Nate McMillan. Alors, c'est vrai que le scoring est vachement réparti côté Hawks et le danger peut venir potentiellement de partout. Pourquoi ? Voilà, moi, je pense collectivement les Knicks. Alors après, c'est vrai que j'ai pas suivi les Hawks de manière ultra attentif, tu vois. Mais voilà, moi j'ai ce sentiment qu'il y a un plus côté cohésion collective au niveau des Knicks, que le fait qu'on ait potentiellement plus de joueurs dans la profondeur de banc, alors plus ou moins talentueux. Hein. Ouais, je suis d'accord. Le banc va être déterminant. Impliqué quoi. Ouais. Impliqué dans la philosophie de l'équipe. Hein. Je parle dans la philosophie de l'équipe. Que voilà, je pense que les ajustements joueront en faveur de Thibodeau. Alors, est-ce en 6 ou en 7? Moi, je pense que ce sera en 6. Le fait de recevoir également, d'avoir l'avantage du terrain dès le premier match, va jouer énormément. Moi, je vois les Knicks vraiment prendre le dessus sur la série. Alors, on va laisser énormément de plumes. Je pense qu'il y a des matchs où on va vraiment se faire bien plomber comme il faut en termes de scoring, parce que bon, y a quand même des arguments des artilleurs en face, hein. Très ouais, lourds en face, tu vois. Donc même sur le banc, un Deox, hein, quand même du monde. Et voilà, donc je pense sincèrement que voilà, les Knicks vont passer en 6. Je reste là-dessus, je valide, j'enregistre. C'est bon, c'est enclenché, c'est bon. Ton pari est pris en compte à Las Vegas. Hein, on... je vais aller valider mon ticket à la française, là. Non, mais... et puis aussi, le fait d'aborder justement ces playoffs. Alors, certes, on s'est tous dit ici que la saison est d'ores et déjà réussie, et je le pense aussi, bien évidemment. Ouais, mais on a envie d'aller un peu plus loin, quand même. Hein. On est gourmand, dis-le. Non, mais voilà, le fait d'aborder cette série avec potentiellement un adversaire qui est... où on se trouve à 50-50, ça entretient l'ambition. Et oui, ça entretient l'espoir, et puis tu vas aller regarder la série en disant, allez, on peut... Tu te serais tapé Brooklyn ou Philadelphie, tu te serais dit, bon... Voilà, on a été en play-off, c'est bien et tout, quoi. C'était déjà bien, voilà, là on en se dit, on a envie d'y croire, donc, puis l'adversaire semble, entre guillemets, à notre portée, même si je répète, ça va être compliqué. Non, ça va être Mais on a envie d'y croire, et quoi, avec la série dure, et que du coup, qu'on continue de vivre cette aventure play-off, quoi. Mais attends, et puis après, on verra. Je reviens quand même sur, on sort d'un road trip à l'Ouest, où tout le monde nous avait dit bon, qu'on allait se faire éclater, on allait prendre 2 matchs sur 12, voilà, donc ça n'a pas été non plus le road trip de la mort, on a perdu des matchs, on en a gagné d'autres qu'on n'avait pas prévus, donc voilà. Donc moi, j'ai envie de te dire, face à Atlanta, oui, ça va être dur. Oui, ça va être c'est dur. Possible. Mais à un moment donné, c'est bon, quoi. On ne se cache plus. On est là, on a terminé 4e, on a fait une bonne saison. On ne va pas non plus, à chaque fois qu'on rencontre une équipe, bégayer. Oui, on est là, on a fait 4e. Maintenant, je pense que les gars sont sûrs d'eux. Ils ont envie de faire quelque chose et ils n'y vont pas en disant « Ah, on va se faire croquer ou quoi que ce soit ». Non, ils y vont pour gagner, là. Clairement, nous, on y va pour gagner. On a fini 4e, ils sont finis 5e, ils sont à notre portée. Et on les a battus 3 fois cette saison. Donc si t'es pas confiant là, alors peut-être qu'ESPN nous met encore, ou je sais pas qui, nous met à 60-40, mais c'est les mêmes qui nous avaient mis avant le dernier de la Ligue. Donc franchement, leur pronostic, bon, hein, on va dire que c'est un peu de la merde. Donc voilà. Non mais honnêtement, moi je pense qu'on peut les taper et qu'on doit y aller dans cet esprit conquérant. Si on y va en se disant, ouais, on est déjà content d'être là. Non, c'est pas l'état d'esprit qui est affiché. Ah, mais ils n'iront pas en tourisme, c'est sûr. Tu sais, Laurent, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Et je pense qu'en effet, de toute façon, l'apport du banc, il va être hyper important. Et moi, je trouve par contre qu'on a un banc quand même qui est un peu plus fourni, un peu plus cohérent que celui des Hawks. Alors là, pour l'instant, ils n'ont pas Cam Reddish, mais quand il va revenir, on peut pas dire que ce soit non plus un mec qui, c'est pas un joueur qui fait changer un match, quoi. Et voilà, un jour il peut claquer 12 points, le lendemain il peut être à 0 sur 7 avec 3 points marqués. Et alors oui, ils ont un Kevin Werther, ils ont du Gallinari, mais je trouve quand même que notre banc, notre second unit est quand même, je la trouve, je pense que ça passera par ça passera par elle. Ouais. Ouais, ça passe. Moi je pense que ça passera par elle, parce que les deux cinq se valent. Les deux cinq se valent. On a chacun des points forts, chacun des points faibles, les deux cinq se valent. Mais je pense que lorsque les second units vont commencer à rentrer, je pense que c'est là que ça va, l'apport de Rose d'autant plus que la seconde unit, c'est celle qui nous a apporté toute l'année, parce que si on regarde nos matchs, à chaque fois que nos 5 étaient là, on ne prenait pas de bouillon, mais c'est souvent la seconde unit qui nous a permis de faire la différence, parce qu'on a une très grande unité, on a une super seconde unit, on a des joueurs qui apportent, qui sont disciplinés et qui sont cohérents. Et cette année, si vous regardez l'ensemble de nos matchs en saison régulière, 9 fois sur 10, le trou, il est fait par la seconde unit. Alors, quelquefois, le 5 majeur, dès le départ, avait fait quelque chose, mais en général, on était à flot avec le 5 majeur. Et dès que Rose, dès que Burks ou quoi que ce soit arrivait, il y avait vraiment un décalage par rapport à ce qui était à proposer en face. Et là, le nombre de fois où on a eu des mecs qui ont fini les matchs, je veux dire, bon, maintenant Rose, il finit les matchs, mais Burks a souvent fini les matchs devant Barrett quand il était en délicatesse avec son tir. Enfin, on a eu souvent aussi, on a eu du Taj Gibson qui a souvent pris la place de Noël aussi, ouais, sur les fins de match, parce que bon, ben, QI basket quand même un peu plus élevé que Nerlens. Donc, on a quand même cette seconde unit qui, lorsqu'elle performe, derrière, elle est souvent récompensée pour finir le match, parce que justement elle est en feu, elle est là, et moi j'aime bien cette seconde unité. Juste pour dire et pour enfoncer le clou par rapport à la seconde unité, c'est aussi c'est là où on voit, en fait, sans parler nécessairement de profondeur de banc, j'insistais vraiment sur la cohésion du banc, et ça s'est vu lorsque Randle était souvent en difficulté en attaque. Le facteur X a été mais vraiment différent tout au long de la saison en fonction de l'état de forme de chacun. Donc t'as eu des Rose qui a pris le lead sur du scoring à des moments très clés. Burks, pendant 2 à 3 semaines, c'était l'homme le plus décisif dans le dernier quart-temps. Le mois de mars, il était fou. Complètement fou. Le gars tournait à plus de 20 points. Il a fait une pointe à 30 points aussi, voire plus. Et claquer des performances en quatrième quart-temps, quoi. Non, mais il n'aura pas peur de prendre les tirs qu'il faut à ces moments-là, puisqu'il les a pris dans la saison. Burks, attention, il n'a pas peur de prendre des tirs en général. Non, il n'a pas peur de prendre des tirs. Reggie Bullock aussi, qui vraiment n'a pas peur d'allumer dès les premières minutes. Bon, un truc aussi qui me fait plaisir, c'est de retrouver D-Rose en playoff, quoi. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne l'avait pas vu en playoff. Donc là, il est en confiance, il joue bien en ce moment. Physiquement, il a l'air d'être là. Voilà, quoi. C'est un ancien MVP et ça se voit encore parce qu'il a des moves, il a l'expérience maintenant. Il va savoir gérer aussi cette pression-là parce qu'il l'a déjà vécu. Donc, c'est aussi un gage de sûreté d'avoir un D-Rose en meneur backup, hein, on va dire ça comme ça, qui sera là pour nous apporter de la solution en fin de match, quoi. Ouais, mais ça lui va tellement, bien de sortir, justement, parce que si c'était Payton qui serait sur le meneur de la deuxième unité, ça serait pas du tout pareil, quoi, parce qu'on manquerait de quelque chose. Et il a du fait que lui, il prenne le relais de Burks, de RJ Barrett, il prenne le relais de Randle, il prenne le relais de Bullock lorsque sur le premier quart il est en feu, et que derrière, boum, tu renvoies un Rose, tu renvoies un Burks, tu renvoies un Quickly. Là, tout de suite, tu maintiens quand même une certaine pression. Il y a quand même des joueurs de ballon. Et puis, mine de rien, quand tu te retrouves après en fin de match avec Rose, Randle, Barrett, en face, ils se disent... Parce que quand il y a Payton, on va pas tirer sur l'ambulance, mais quand il y a Payton en fin de match, bon, on sait qu'il n'y aura pas le tir. Mais quand tu te retrouves avec Rose, Barrett, Burks ou Barrett, et Randle, tu mets des solutions offensives différentes. Et en face de toi, du coup, ils savent pas trop sur qui ils doivent aller. Et du coup, la défense n'est pas du tout la même. Parce que tu sais très bien que Rose, il peut avoir le dernier tir. Alors, c'est plus Randle qu'il a sur la saison. Mais à un moment donné, en fin de possession... T'as pas peur de donner la balle à Rose, parce que lui, il peut en faire quelque chose. Il peut mettre dedans. Ouais, comme eux, ils peuvent soit passer par l'intérieur, soit décider de ressortir sur leur tireur d'élite à l'extérieur. Je veux dire, ils sont dans le même cas de figure. Là. Eux aussi, enfin, je veux dire, ils sont... Ils ont des armes multiples. Ils ont, je veux dire, soit ils décident d'appuyer là où ça fait mal, de nous tabasser à l'intérieur. C'est pour ça que je pense que cette connexion Young-Capella, il faut... Que Young marque des points, il marquera des points. Mais je pense qu'il faut vraiment le limiter dans son playmaking, quoi. Je pense qu'il faut vraiment le limiter dans son playmaking. Ouais, pour moi, ouais. Faut qu'il marque des points, qu'il marque 30 points, 8 sur 22 ou shoot. Vas-y, mon gars, régale-toi. Mais qu'il régale pas les copains, quoi. C'est ça le truc, en fait. Je pense qu'il faut vraiment. Faire attention au foot en début de match. Ça peut nous être préjudiciable, notamment Noël, notamment Noël, Randle. Voilà, ça sera quand même très important que ces deux joueurs ne prennent pas trop de fautes en début de match, notamment Noël, parce qu'à l'intérieur, même si Taj fait le taf, si Noël se retrouve avec, nous fait une Mitch avec deux fautes en 2 minutes, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'un retour de Mitchell, un retour de Robinson, ça peut être pas mal, parce qu'une rotation sur Capella, un coup Noël, un coup Robinson, un coup Noël. Même s'il joue 5-6 minutes au final, Robinson, au moins tu l'envoies pour faire de la faute, quoi. Faut se l'enfader, quoi, je veux dire Capella, enfin, il prend quand même deux gros défenseurs, alors ok, au niveau du rebond, c'est pas ça, mais c'est quand même des mecs mobiles qui ont quand même une certaine vision de la défense. Donc si tu enchaînes Capella avec deux mecs comme ça, c'est pas évident, quoi. C'est pas, je veux pas faire de procès à Norvel Pelé, Mais quand même, enfin, je veux dire, si sur Capella tu alternes Noël avec Mitchell Robinson, et moi je suis très content pour Noël parce que c'était un mec qui était super décrié lorsqu'il est arrivé, et en fait, il s'est montré hyper précieux. Et moi, au début, quand on l'avait signé, ça a été oh, c'est qui ce mec, machin, il fera rien. C'est pareil que Robinson et machin. Tout ça. Et en fait, il a su lui aussi faire un peu fermer des bouches dans son jeu. Et c'est un des meilleurs contreurs de la ligue. Et alors ouais, au niveau des rebonds, c'est pas ça, mais n'empêche que c'est une force de dissuasion. Et les mecs, quand ils pénètrent dans la raquette, ils savent qu'à un moment donné, il y a la grosse mimine de Noël qui peut s'écraser sur le ballon. Donc là, s'ils le savent pas, c'est qu'ils ont pas fait leur travail de scouting report. Là, c'est pas normal. Clairement. C'est pour ça que je suis vraiment très content pour Noël, quoi. Messieurs, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour un peu de la série là. On a vraiment hâte d'être à dimanche. On a vraiment hâte que ça démarre. On est hypé. Hein. Si vous êtes pas hypé, on est hypé. En tout cas, on sera ravis de vous relayer un petit peu nos sentiments jusqu'à dimanche, donc sur nos différents supports. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, c'est vraiment un réel plaisir. Là, sur Twitter, vous êtes plus de 6700. Sur Insta, vous êtes plus de 1750. Sur Facebook, on a passé le cap des 8000. Voilà, donc déjà, un grand merci à tous et à toutes de nous donner justement ce petit supplément d'âme qui nous permet d'aborder cette formidable phase de playoff avec beaucoup d'ambition et beaucoup de force. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube. Vous pouvez consulter notre blog sur nixnationfrance.com. Allez-y, lisez-nous, suivez-nous. On sera ravis de nous aussi partager nos points de vue et notre passion. Et maintenant, les gars, on va faire un dernier tour de table. On va commencer par notre invité, Sébastien. Un dernier mot, un petit mot de la fin pour toi. Bah écoutez, on a vécu une super saison, tous ensemble. Moi, ça a été aussi l'occasion de découvrir au fur et à mesure plusieurs membres de la KNF. Et je suis vraiment très content de faire partie de ce groupe. C'est vraiment cool. Je suis très content d'avoir participé à ce podcast, d'avoir pu faire partager un peu mes avis. Et puis je pense que voilà, on peut, il y avait eu des gens qui étaient montés dans le wagon lorsque Melo était arrivé et tout de suite ça avait incité des gens à devenir fans d'Enix parce que Melo. Je pense que cette année on va avoir des fans d'Enix parce que Randle, parce qu'il a tout simplement été monstrueux cette saison. Et ça va éveiller des vocations de Knicks fans. C'est ça. Donc c'est toujours aussi cool de voir justement cette franchise attirer au fur et à mesure de gens autour d'elle. Et puis écoutez, moi je suis très content d'avoir parlé avec vous ce soir. Et puis j'espère que l'expérience se reproduira un de ces quatre. Ouais, il est possible qu'on te rappelle. Non, c'était un plaisir. C'était un plaisir, Seb. Plaisir de te lire, plaisir de t'écouter, plaisir de parler d'Enix. Et puis, je crois que c'est LeBron. Je vais citer un LeBron James, qui est en difficulté en play-in. Mais il disait que la NBA se porte mieux quand les Knicks jouent bien, quand les Knicks sont là. Les Knicks fans se portent mieux aussi, hein, je te rassure, LeBron. Donc voilà, là, on a vécu une super saison, même si le contexte est particulier, si on n'a pas pu partir à New York cette année, qu'on n'a pas pu faire nos événements, ça c'est relou. Mais autrement, ce que nous ont proposé les Knicks, c'était super. On a envie encore que ça dure un petit peu. C'est une nouvelle série qui arrive, c'est une nouvelle saison qui commence. Mais voilà, il y a de quoi repartir avec le moral gonflé à bloc. Et puis voir l'avenir d'un meilleur œil pour la suite. Parce que voilà, ils ont regagné beaucoup de choses cette saison, les Knicks. Des matchs, certes, la crédibilité surtout. Et voilà, il va falloir compter, je pense, sur les Knicks dans les saisons à venir. Les Knicks sont de retour. Ça fait plaisir à entendre. Juju, pour toi, le petit mot de la fin. Ouais, merci à tous déjà de nous suivre. Merci aux Knicks d'avoir fait cette saison. Moi, à titre perso, j'ai kiffé comme rarement cette saison. Ça fait longtemps que je suis les Knicks et c'est l'une des équipes pour qui j'ai le plus d'affection. On a parlé tout à l'heure de nos Knicks 94, de ceux de 99, 98 aussi, j'ai de l'affection. Le début avec Stoud et tout. Mais sincèrement, je pense qu'elle est très très haut dans ma hiérarchie de l'affection que j'ai pour cette équipe. On l'a vu grandir, on n'en attendait pas grand-chose. Et ce qu'ils font sur le terrain, ce côté underdogs, ce côté je lâche rien, voilà, moi je kiffe. Le contrat est rempli, la saison est gagnée, le pari est réussi, tout est merveilleux, on n'est que sur du plus. Là, c'est popcorn à fond à partir de dimanche. Et peut-être champagne un peu plus. Et franchement, le kiff, moi j'y crois, mais j'ai envie de nous voir au deuxième tour. Et après, on verra ce qu'il y adviendra. Mais franchement, voilà, on va suivre nos Knicks et ça va être fantastique de les voir à cette période de l'année en playoff. Oui. J'ai encore du mal à le croire. C'est incroyable qu'on y soit, surtout après ce début de saison, je le répète, où personne ne nous aurait mis en playoff. Donc, kiffons. Et puis voilà, je pense que la free agency va arriver juste derrière et va être passionnante peut-être pour une fois. Et on sera peut-être pas traité autant de losers dans cette free agency que d'habitude. On n'ira pas chercher, alors je voudrais juste dire ça, je dis beaucoup de conneries, mais on n'ira pas chercher un Kawhi ou un équivalent d'un LeBron. C'est pas le projet d'ailleurs, et c'est pas ce qu'on a besoin aujourd'hui. Mais je pense qu'on pourra peut-être se renforcer avec des joueurs intelligents et intéressants. Et ça, c'est grâce à la crédibilité de cette saison. Et la position qu'on a récupérée cette saison nous permettra dans l'avenir de peut-être jouer le titre. En tout cas, on l'espère et en tout cas, kiffons. En tout cas, merci beaucoup. Évidemment, moi, le premier mot qui me vient à la bouche, c'est la fierté. Fierté retrouvée de par les résultats de l'équipe. La fierté également, côté associatif, là ça fait maintenant 5 piges que la société... La multinationale, hein. C'est quoi qu'elle est en bourse, regarde, on est coté. Il a fallu 5 piges pour pouvoir partager avec vous nos premiers playoffs. Donc évidemment, la bise à Julien Barthélémy, hein, qui est père fondateur de Knicks Nation France. J'embrasse évidemment tout le monde au niveau du board et également ceux qui ont joint l'aventure de par nos voyages et nos événements. Je vous embrasse tous et on vous embrasse tous, évidemment. Bien sûr, j'ai vraiment pas que toi de faire des bisous. Oui, j'ai vraiment une pensée... C'est pas très Covid, par contre, Laurent. Ouais, on s'en fout, maintenant. Voilà, on en fait des bisous. Là, c'est on est vacciné. Pas pour toi, mais. Et voilà, et donc, fierté de retrouver justement cette équipe au premier plan maintenant. Alors, pas au tout premier plan, mais en play-off. Et le fait de partager ça ensemble est aussi une fierté pour moi. Donc, je suis super hypé, je suis super excité et j'ai hâte d'être à Dreamhouse. J'ai hâte aussi de partager avec vous, messieurs. L'actu Knicks, les résultats, on aura plein de petits projets live en tête également. Et on a vraiment hâte de vous faire partager tout ça. Messieurs, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Merci beaucoup pour ta participation, Sébastien. Merci de l'invitation. C'était super cool de parler des Knicks avec d'autres fans. C'est vrai que voilà, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir échanger comme ça verbalement avec d'autres personnes, donc c'était vraiment super super agréable. En tout cas, à très bientôt et on a hâte de te relire évidemment sur notre blog notamment. Un grand merci à toi, Juju. Merci les gars. Et Johanny, un grand merci à toi. Merci. Je te laisse le soin de conclure cet épisode. Allez, les Knicks, hein, tout simplement, on va pas faire très compliqué. Let's go, Knicks. On se revoit au second tour. Knicks are back. Knicks are back, we're here, big 15, comme dirait l'autre Kevin, copieur. Là. Second tour, nouvel épisode, hein, donc soyez au rendez-vous. Voilà, écoutez, c'est noté. Knicks un jour, Knicks toujours, on est ensemble, équipe, à très vite, et hâte d'être un dimanche. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous. Salut. Ciao, ciao. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey!